On va parler de football, on va parler de recrutement. Moi, j'aime ça, le recrutement. C'est une période intense. C'est là que ça va décider les prochaines années des meilleures équipes et des équipes collégiales. Et on va parler des Gaillards de Jonquière qui sont allés chercher une grosse prise. Un joueur que François Laberge voulait vraiment, c'est Marc-Antoine Robert. Et on va le rejoindre en France, puisqu'il se trouve en France, le coach Laberge. Bonjour, coach. Salut Danny, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. En France aujourd'hui, comment tu trouves ça? Hey, coudonc, es-tu rendu la place où aller? Je parlais à Nick Menachi, Nick est là aussi. Je ne sais pas si Jean-Philippe Caron est là actuellement, mais coudonc, c'est-tu la prochaine place des joueurs que vous allez aller? Ben, je pense qu'à 5 équipes juvéniles pour 3 équipes collégiales au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est impossible de passer à côté de la France maintenant, là. On n'a plus assez de joueurs au niveau régional. Il y a de moins en moins de joueurs dans les équipes. Donc, si tu vas pas en France, ben, tu survivras pas. OK. Hey, mais dis-moi, est-ce qu'il y a de la mauvaise publicité aussi en France sur les commotions? Parce qu'on ne se contente pas d'histoire, le football, là, au Québec, une mauvaise publicité, c'est les commotions cérébrales. Est-ce qu'en Oui. France, puis ça a fait chuter beaucoup. Tu regardes le cheerleading, tu regardes le ski alpin, il y a plus de commotions cérébrales et personne n'en parle. Donc, c'est une question de. Est-ce qu'il y a une mauvaise publicité autant en France aussi ou c'est pas rendu là encore? Non, c'est un petit peu moins présent, je te dirais. On le voit qu'il y en a quand même. Il y a des jeunes qui en font. Tu sais, moi, j'ai assisté à des matchs en fin de semaine, un match senior où il y a un gars qui a fait une commotion cérébrale, mais c'était une légère. Mais c'est ça. Tu sais, je te dirais que je pense qu'ils font un peu plus la part des choses parce que sont peut-être un peu plus habitués avec le sport de haut niveau aussi, avec les Olympiques. Les sports olympiques sont très forts aussi. Ils jouent au rugby beaucoup aussi. Donc, ça fait plusieurs années qu'ils jouent au rugby. Là, des centaines et des centaines d'années. Donc, c'est ça. Eux, je pense que culturellement, la blessure peut faire partie du sport. Ça peut venir avec. Puis, je pense qu'ils font un peu mieux que. C'est un peu moins sensationnalisé que nous au Québec, là, Ah, puis au c'est clair, Canada. parce que c'est ça qui Où, fait tu sais, mal. puis comme tu le disais, il y a plus de commotion cérébrale en cheerleading et tout, mais au football, c'est spectaculaire quand la commotion peut arriver avec un contact, mais le football, c'est même plus ça. Maintenant, un contact à la tête, le joueur est expulsé du match immédiatement, que ce soit avec une partie de son corps, un coude ou n'importe quoi que t'emmènes à la tête, le joueur est suspendu. Bon, au RSEQ, les arbitres commencent à l'appliquer, puis c'est pas toujours fait, mais la NCAA maintenant va à reprise vidéo, puis dès que le joueur frappe intentionnellement la tête, il est expulsé du match, qu'on soit dans la première minute ou au milieu du match, le joueur est expulsé. Donc, c'est une culture qui va changer, puis je pense que n'importe quel parent peut se rendre compte qu'il va avoir bien plus de bienfaits pour son jeune au niveau social, au niveau de confiance en soi, à pratiquer le football que l'inverse. OK. Dis-moi, c'est sûr qu'il y a tout un travail d'éducation à faire et ainsi de suite. Là, tu es en France actuellement. Oui. Est-ce que la récolte va être bonne? Parce que là, Nick est là actuellement aussi. Donc, il y a tout un pitch de vente à faire aussi. Est-ce que la récolte est bonne cette année en France? Oui, ben, y a un petit peu moins à cause que la fédération, elle, ce qu'elle a fait cette année, c'est qu'elle met un embargo sur les joueurs qui sont nés en 2000, 2001. 2001, pour nous, c'est moins grave, ils n'ont pas leur bac, ils sont pas prêts à aller chercher. Mais pour l'année 2000, c'est des joueurs qui ont 18 ans qu'on pourrait aller chercher pour préparer leur championnat européen. Eux, ce qu'ils veulent faire l'an prochain, c'est un pôle unique. Mais aujourd'hui, cette année, il y a un pôle au sud à Bordeaux et un pôle au nord à Amiens. Puis l'an prochain, ils veulent faire un seul pôle à Amiens, réunir tous les joueurs là, puis faire des matchs hors concours contre des grosses équipes de Division 2 en France, contre d'autres sports études à travers l'Europe, en Allemagne, en Autriche, en Angleterre. Fait, eux, pour préparer le championnat européen qui va avoir lieu à l'été 2019. Donc, pour cette raison-là, au niveau des pôles, c'est un petit peu moins fort cette année. On prépare le recrutement de l'an passé. Fait, j'arrive de passer 4 jours à Amiens. J'ai parlé à beaucoup de gars, j'ai présenté beaucoup de choses, j'ai été coaché des pratiques, je les ai vus en muscu aussi. Puis là, j'ai vraiment placé des pions pour l'an prochain à ce niveau-là avec des gars. parce qu'on respecte la Fédé, on est en protocole avec eux, fait qu'on respecte ce qu'ils nous demandent. J'ai parlé à quelques gars pour l'année prochaine, mais moi, l'année prochaine, ce qui est le fun, c'est que j'ai pas besoin d'en ramener énormément. Tu sais, je vise peut-être 5 Français, 6, ça sera peut-être 7, mais entre 5 et 7, on va en avoir bien en masse là, pour jouer notre prochaine saison. C'est l'année prochaine où je vais avoir besoin de refaire, je pense que l'année, le recrutement régional va être encore plus bas un peu l'année prochaine en termes de nombre. Fait que l'année prochaine, moi, je vise à probablement être obligé d'en ramener une dizaine. Donc, mais ça, là, c'est la France actuellement, mais est-ce que ça pourrait aller être en Suisse? Ça pourrait-tu, tu pourrais-tu aller en Suisse? Tu pourrais-tu aller en Belgique? Tu pourrais-tu aller au Luxembourg? Il y en a d'excellents programmes là-bas. On a déjà des connexions. Mais le seul problème, ça marche par entente, je pensais. Hein? C'est parce que j'avais une entente. Ben surtout, nous, on est dans le protocole, mais ça nous empêcherait pas d'aller recruter dans n'importe quel pays du monde. Okay. Par contre, il y a une entente France-Canada au niveau du Québec qui fait qu'un étudiant français qui vient étudier au collégial au Québec paye les mêmes tarifs qu'un étudiant québécois, mais c'est pas le cas avec un Belge, c'est pas le cas avec un Suisse, c'est pas le cas avec un Allemand. Donc ceux-là, ça leur coûte 7 500 par session. Tandis que l'autre qui va venir, ça ne coûtera même pas ça pour son année au complet. C'est sûr que ça fait. Donc, c'est pour ça qu'on est en France. C'est ça, la France, c'est le partenariat Québec-France au niveau des études postsecondaires qui fait que le jeune paye les mêmes tarifs qu'un Québécois et est couvert par l'assurance maladie, donc n'a pas besoin d'assurance privée. Et c'est là que ça devient extrêmement intéressant pour un Français de venir poursuivre ses études au Québec tout en vivant le football québécois au niveau collégial. Le membership en France des joueurs, est-ce que ça stagne, est-ce que ça monte, est-ce que j'imagine que, écoute, ça doit monter un petit peu parce qu'il y a de plus en plus d'émissions de télévision en France qui parlent de la NFL. Et ça, tu sais que oui, c'est en expansion. Ouais, c'est en expansion, puis la Fédé est extrêmement proactive. Là, elle a monté un programme pour la mini French League qui appelle, où ils veulent prendre les jeunes du primaire, puis ils ont monté un costume de mousse de football. Okay. Et tu mets les épaulettes, tu mets une espèce de casque, c'est comme fait en mousse, mais ils gardent la ceinture de flag. Parce qu'ils se sont rendus compte que le flag football était super populaire, mais les plus jeunes voulaient être identifiés football, apporter l'équipement et tout ça. Mmh. Fait qu'eux, ils jouent au flag, mais équipés avec une espèce de chose. Ils ont fait un kit à 3 000, puis ça se peut qu'ils rentrent au niveau national avec l'école. C'est ce qu'on parlait ce matin avec Steve Gersen du pool Amiens. S'ils rentrent au niveau national, ça va être donné dans chacune des écoles. Okay. Chaque école en France va donner une session de football flag football avec la mini French League où ils ont des équipements, des chandails, ils ont tout ça. Puis c'est vraiment fait sous forme de jeu. Il y a des jeux, puis chaque jeu a une progression pour arriver à jouer un match. Okay. Donc il y a un jeu, c'est juste d'enlever le flag, puis c'est comme une course, ça ressemble un peu à la queue de renard comme nous on joue au Québec où les jeunes se mettent un flag dans le dos puis quand tu réussis à te faire enlever ton show, tu t'en vas sur le côté, tu te fais enlever ton flag. Eux ils font ça puis après ça ils amènent le ballon tranquillement là-dedans. C'est vraiment bien fait. On est parti avec le manuel pour voir un peu. Puis si ça rentre dans toutes les écoles en France, il faut s'attendre à une explosion du nombre de joueurs. Okay. Est-ce qu'il y a un Français qui est dans la NCAA? Parce que ça c'est toujours... Ça en prend juste ça aussi pour aider. NCAA qui est un potentiel qui pourrait être NFL un jour. Est-ce que t'as entendu parler de quelqu'un? Il y en a des bons. Il y en a déjà. Il y en a un qui joue NCAA à Purdue. Okay. Il y en a quelques-uns qui sont très bien placés aussi. Ils ont vraiment des belles athlètes. Je te dirais qu'il y en a de plus en plus. Puis plus ça va progresser, ouais, plus il va en avoir. Puis tu sais, moi, j'ai vu des super athlètes aussi. Là, j'ai assisté à des matchs, il y a vraiment des athlètes. Puis c'est une question de polir. C'est parce que moi, j'ai fait des entraînements puis tout ça. Puis il y a beaucoup de tu sais, leur sport grossit rapidement. Mais au niveau des entraîneurs, la formation, tout ça, ça suit pas toujours. Donc, je dirais que présentement, au niveau national, il n'y a pas de problème. Les coachs sont top, ils peuvent venir coacher au Québec sans problème. Mais c'est dans les clubs où là, tu vas voir que le niveau de coaching, des fois, tu sais, c'est des choses qu'on enseignait fin des années 90, début 2000 chez nous, où on n'est plus rendu là, tu sais. OK, OK. Donc, on va parler d'ici du recrutement ici au niveau régional. Grosse prise, tu me l'avais dit, c'est pas un... J'ai attends, Marc-Antoine Robert, on me dit que c'est toi qui me le disais. Certains me disent oui, il est bon, mais tu t'exagères de dire que c'est le meilleur joueur actuellement à sa position dans l'Est du Canada. Est-ce que tu es vraiment aussi fier et puis est-ce que c'est exagéré? Ben, dans l'Est du Québec, moi, je Ok, dans pense l'Est que du c'est un Québec, je des pensais que c'était dans meilleurs, c'est l'Est du sûr. Canada, excuse. Ouais, j'ai dit dans l'Est du Québec. Au Québec, c'est sûr qu'il y en a des aussi bons, peut-être des meilleurs un peu que Marc-Antoine, mais dans l'Est du Québec, moi, je suis convaincu que c'est un des tops. Écoute, premièrement, faire l'équipe étoile O-line puis D-line en juvénile division 2, là, Ouais. je sais pas s'il y en a d'autres qui l'ont fait, là. OK. Je pense pas, de mémoire, là, j'ai aucune idée qu'un gars aurait fait l'équipe étoile des deux côtés du ballon. C'est jamais arrivé. Fait que quand tu fais ça, tu es un joueur spécial. OK. Quand les Cougars de Lennoxville te veulent, quand le Notre-Dame du CNDF te Oh, veulent, OK, c'est des collégiales c'est que tu es un joueur exceptionnel. Tu sais, je sais pas s'il y a beaucoup de joueurs régionalement qui ont été tant sollicités. Il y en a d'excellents, là. Au niveau des lignes, des joueurs qui ont été autant sollicités que Marc-Antoine, écoute, il n'y en a pas tant que ça. Il en sort un par année, les grosses années, puis on peut même être un peu plus tard que ça. C'est Marc-Antoine a tout pour dominer. Il est à 6 pieds 1, 270 livres à peu près. Il a 17 ans. Donc, son avenir est incroyable. C'est une super bonne personne. C'est un bon étudiant. Il a une bonne famille, des bons parents. C'est un jeune qui est apprécié de ses coéquipiers. C'est un gars qui a un leadership incroyable. C'est un leader né. Le gars a toutes les qualités, puis moi, mon but, c'est de le prendre, puis de l'amener universitaire, puis j'ai aucun doute avec Marc-Antoine, connaissant son éthique de travail, connaissant la façon qu'il pense, la façon qu'il va mettre le sérieux dans ses études, ce gars-là va jouer Ouais, c'est un gars, universitaire. parce que là, c'est au niveau universitaire, c'est très, très. Écoute, au niveau universitaire, les études, c'est encore plus important que niveau académique. Est-ce que Marc-Antoine, au niveau académique, c'est quoi? Parce qu'on en a déjà parlé. On a vu des joueurs qui avaient potentiellement Ligue canadienne. J'en ai plusieurs, là, depuis que Dan Radiosport est au monde, que je n'ai courtisé, je n'ai vu. Mais au niveau académique, il y avait des difficultés. Est-ce que Marc-Antoine Robert peut, au niveau académique, est-ce qu'il y a de la difficulté ou ça va bien de ce côté-là aussi? Non, ça va bien de ce côté-là. OK. C'est un bon OK. étudiant. Il s'en vient en gestion de commerce. Ça l'intéresse déjà à la base. Son père a déjà eu des entreprises et tout. Donc, il est à sa place. Il sait dans quoi il s'en vient d'étudier. Il a hâte. Puis on l'a pour les 3 ou les 4 prochaines saisons. OK. Est-ce qu'il y a d'autres signatures qui s'en viennent? Parce que je sais que Jonathan Potvin a transféré. Jonathan Potvin qui est de Dolbeau-Missisquoi, qui était avec les Gaillards, qui est rendu maintenant avec les Cougars. Oui. Est-ce qu'il y a une raison particulière? Qu'est-ce qui s'est passé dans son cas? C'est-tu Un son. génie civil. Ah, OK, donc il change de branche. Donc automatiquement, c'est ça. Exactement. Il est en sciences humaines chez nous. OK. On l'avait recruté l'année passée, puis c'est ça, il m'a rencontré à la fin de la saison pour. Il voulait vraiment faire une technique et tout. Puis là, c'est le génie civil qui revenait Normal. souvent. Il était voir l'orienteur, tout ça. Donc, pour des raisons scolaires, il a décidé de transférer à Chicoutimi. Moi, pas Dieu. Aucun problème avec Jonathan, ça a été bien correct. Il aurait aimé se rester avec nous, mais à un moment donné, Ben c'est oui. l'école avant tout. Ouais, c'est sûr, c'est encore plus important. Maintenant, si on parlait aussi des autres joueurs, est-ce qu'il y a d'autres signatures du Haut du Lac qui s'en viennent? Ah oui, on en a d'autres qui s'en viennent dans les prochains jours, les prochaines semaines. On a Jacob Gagnon de Saint-Félicien, Lui, c'est pas qui si tu l'annonces, ça veut dire que c'est pratiquement fait. Ouais, c'est fait là. Il va nous amener sa lettre à OK. la pratique du 3 février. On va prendre la photo et tout. Ensuite de ça, au niveau du haut du lac, pour l'instant, c'est plus des pourparlers encore avec certains autres joueurs. On en a probablement 2 ou 3 autres qui vont arriver dans les prochains jours, les prochaines semaines. Mais pour le haut du lac, c'est ça. Cette année, je me suis vraiment concentré. Bon, Pete Brevede à PWD, j'en ai 7 qui s'en viennent, fait que j'ai vraiment, j'avais un bon vibe sur PWD. C'est une équipe qui gagne régulièrement, puis je l'avais été intense. Il y avait Saint-Félicien aussi, que j'avais quelques joueurs, et bon, il y en a qui ont décidé d'aller en division 1, c'est bien correct pour les petits gars. Je pense qu'il y en a qui ont le talent, puis ils peuvent Ben aller, oui. ils veulent jouer le calibre. Ça, on n'a pas de problème. Des gars comme Vincent Bouchard, Dylan Sléa, puis Tristan Fortin, donc ces gars-là s'en vont en division 1, c'est bien correct. Puis c'est ça. Saint-Félicien reste encore quelques joueurs avec qui on est en pour parler. On espère aller en chercher deux, trois encore sur ces OK. joueurs-là. Bon, on va parler de Philippe Lavoie. Je n'y ai pas parlé encore. Je cours après depuis lundi. J'ai bon espoir de lui parler le plus tôt possible. Tu as parlé, toi, comment ça a été à Dallas? Ça a bien été. Écoute, le match a été un peu plus difficile. 44 à 7, je pense. Mais ouais, 44 à 7 ou 41 à 7, là, quelque chose comme ça. Mais tu sais, Phil m'a dit que c'était une expérience incroyable. Il a joué contre tous les gars de l'autre équipe, étaient signés dans des grosses universités américaines, là. Michigan, Michigan State, Oh. Ohio State, Oklahoma, tous les gars. C'était tous des commits des plus grosses universités américaines. C'était une équipe exceptionnelle. Il a joué contre des joueurs d'un calibre. Écoute, il y a même des gars qui vont affronter à l'université. En allant à l'université, il y a même des gars contre qui va jouer à l'université qui n'ont pas le calibre des joueurs qu'il a affronté vendredi dernier au Texas. La semaine complète, ils ont fait des oppositions avec les joueurs américains aussi. Des pratiques communes, coachées par des coachs NCAA, des coachs NFL. C'est une expérience, c'est sa deuxième fois, mais à chaque fois, c'est du renouveau. Il a appris un paquet de nouvelles choses. On a bien hâte de le. Moi, j'ai bien hâte de le voir en personne pour jaser avec lui. Mes coachs défensifs aussi jaser avec lui de drill et de ce qu'ils ont fait là-bas, Je là, parlais avec voir si Pascal nous, on peut pas Masson. adapter ça. Tu sais, c'est qui Pascal Masson? C'est Oui, mon analyste de la très Ligue bien, oui. canadienne. Puis il parle avec moi. Il analyse également la NFL pendant les séries éliminatoires avec moi à Don Radio Sport. Puis on a parlé de Phil. Puis il connaît Phil puisqu'il coach je pense, en division 1, Pascal. Oui, Pascal est coach au CNDF, puis il est Ouais. responsable Puis il me des disait, il sports, dit, regarde, peu puis il est importe ce coach au qui arrive, CNDF. là, juste d'être dans le vestiaire d'une équipe de la NFL, jouer contre des joueurs que tu vas voir dans la NFL, c'est une expérience qu'un gars se rappelle le restant de ses jours. C'est sûr, c'est la deuxième fois que Phil, ça lui arrive. Ouais. Puis, écoute, il est un des privilégiés, mais je pense que, tu sais, avec Phil, tout est mérité, là. Ce petit gars-là travaille extrêmement fort, puis à l'école, c'est la référence. C'est le gars qui a le plus de facilité scolaire, mais c'est lui qui travaille le plus fort. Il n'y a Ouais, pas d'hasard dans effectivement. la vie. OK. François, un gros merci. T'en viens quand au Québec, Je reviens samedi soir, là? OK. Fait que tu tard, veux là. pas. Présentement, Ouais. on est à Rouen, on a été à Amiens, on termine au Havre vendredi, puis on prend Par l'avion rapport à samedi à Paris, là, parce Paris. que moi je connais rien, là. Par rapport à Paris, es-tu bien loin de Paris? Moi, je suis au nord. Nick, cette année, il a plus été au sud. On OK. a pris l'avion ensemble. On était sur le même vol. On était à deux bancs, moi puis Nick. OK. Il y Fait avait que, alors, je sais que vous deux avez personnes soupé dans le nid, on ensemble. était collés. J'ai dit à Nick, coudonc, Non, non, mais c'est comme ça, on va recruter. Puis tu sais, Nicolas, lui, a fait une run, sa run de lait, comme on peut le Ouais. dire, est plus vers le sud de la France. Je pense qu'il partait. Bon, il a fait un peu quelques jours à Paris, autour de Paris. Après ça, il a pris l'avion, il était à Nice. Là, il fait tout le bas le sud de la France. Il part de Nice, puis il remonte vers Bordeaux. Tandis que moi, cette année, j'ai décidé de pas aller au sud, vu que j'ai besoin de moins de joueurs un peu. Je privilégie la région du Nord, où tous mes joueurs qui sont dans mon équipe actuellement viennent. Donc moi, je fais vraiment Amiens, le pôle au nord le pôle nord, finalement, de football Ouais. d'excellence français. Ensuite de ça, je fais Rouen, les Léopards de Rouen, où j'ai deux joueurs de mon équipe présentement. Puis j'en ai eu des anciens qui sont à l'université qui viennent de là aussi. Puis on fait le Havre, puis on a fait un peu autour de Paris aussi, là. OK. Donc c'est pas mal ça, mon voyage pour cette année. Puis comme je te dis, je prépare beaucoup l'année prochaine où là, je vais avoir besoin d'un plus grand nombre. OK. Ben, on s'en reparle quoi? On s'en reparle bientôt. On va s'en reparler dans le bulletin de sport local au Pire-Aller. Donc, pour évidemment commenter ces nouvelles signatures chez les Gaillards de Jonquière. Toujours un plaisir, Danny. François Laberge, qui se trouve en France actuellement pour recruter des joueurs en vue de la prochaine saison.